puisque papa est en voyage. Tu es le chef dans la maison, mais un grand chef doit être sage. Bonsoir, John John. Comme le disait souvent papa, ce n'est plus l'heure de faire la guerre. Il faut ranger tous ces soldats. Bonsoir, John John. Tu es un homme et tu sais, un homme ça ne pleure jamais. Regarde bien autour de toi, beaucoup sont tristes, mais ne pleure pas. Jamais, jamais, non jamais. Tu dis qu'un jour au défilé, les blancs, les noirs, tout le monde pleurait. Ce jour-là, il faut l'oublier. Bonsoir, John John. Si tu t'endors gentiment, il se pourrait qu'en rêvant, papa revienne pour un instant, le temps de dire en t'embrassant, bonsoir, John John, comme avant. Puisque papa est en voyage, tu es le chef dans la maison. Bonsoir, John John. Bonsoir, John John.